بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر في هذه الأبواب من كتاب التوحيد، ونحن مع باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فلما ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى وجوب التوحيد وفضل التوحيد والخوف من ضد التوحيد، ينبه بهذا الباب رحمه الله تعالى أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. ويبين لنا هذا الباب أن من أراد أن يحقق التوحيد لا بد له أن يدعو إليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي هذا رد على من يقول أول ما يدعى إليه الصلاة والأخلاق والخلافة والحكم، أبدا، أول ما يدعى إليه شهادة أن لا إله إلا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. Et donc nous continuons avec ces conclusions autour du chapitre du livre du monothéisme. Et là nous sommes avec le chapitre dont le titre est « Inviter les gens à attester qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah ». L'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir cité l'obligation du tawhid, les mérites du tawhid, la crainte du polythéisme, il attire ici l'intention dans ce chapitre qu'il ne convient pas à la personne de se limiter à sa propre personne, mais au contraire, il faut qu'il invite les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse, bonne exhortation, de débattre pour cela s'il le faut de la meilleure des façons, comme cela était la voie des messagers et de la voie de notre messager et de ses compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Ce chapitre nous clarifie sur un point important. Celui qui veut réaliser le tawhid se doit d'inviter les autres au tawhid, comme l'a fait son messager alayhi salatu salam, comme l'ont fait les compagnons d'Allah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection. Et dans cela, il y a une réplique à tous ceux qui disent qu'on doit inviter les gens d'abord, en premier et en priorité à faire la prière, au bon comportement, et on doit les inviter à... On doit prêcher les gens à prendre le pouvoir, à constituer la khilafa. Non, abadan akhal islam. On doit, comme il a été le messager alayhi salatu salam, inviter les gens d'abord à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé les gens à prendre le pouvoir, ni à constituer un état, abadan. Et c'est pas ça la fonction des prophètes alayhi salatu salam. La fonction des prophètes alayhi salatu salam, de ceux qui les suivent à la perfection, c'est que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de toutes ces tendances qu'on entend à droite et à gauche qui appellent vers le fait de prendre le pouvoir et vers le fait de reconstituer la khilafa, c'est des âneries. Ça n'a rien à voir avec la da'wa du messager alayhi salatu salam. Et ce genre de da'wa, il faut faire très attention à ça. Parce que ça amène à l'anarchie. Comment? Il y a quelqu'un au pouvoir, il va te laisser prendre son pouvoir. Tu rêves. Hein? Tu rêves. C'est impossible. Il va défendre son pouvoir. Et l'amour du pouvoir, c'est quelque chose de très fort. Et ceux qui l'ont, ils ne les délaissent pas comme ça. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas imposé de constituer des états, etc. Mais il nous a imposé de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir la religion de Allah subhanahu wa ta'ala dans la sincérité, dans le suivi du prophète alayhi salatu salam. Et c'est ainsi qu'il a fait notre prophète alayhi salatu salam. Hein? Et l'état s'est constitué par lui-même par la suite. Mais ça n'a pas été le but et la base de la da'wah. Il faut qu'on y fasse très attention à cela. Parce qu'on est dans un monde que maintenant qui est pris par ses passions, pris par le désir de commander, etc. Beaucoup de gens veulent le commandement. Et donc il faut qu'on fasse très attention. Où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait et qui on écoute. فالحمدللہ الذي اکرمنا بهذا الدین العظيم وامتن علينا بسلوك صراطه المستقيم وبعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا إلى الطريق القويم وبعد هذا الجود والكرم من رب العالمين أمرنا سبحانه وتعالى بالدعوة إلى هذا الدين، فالدعوة إلى الله من أزكى الأعمال وأفضل المهمات، إذ هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويترتب عليها الأجور العظيمة التي ينالها من دعا إلى الله عز وجل وأخلص النية لله، بقوله عز وجل: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه الإمام مسلم. قول الله سبحانه وتعالى: الله سبحانه وتعالى nous a honoré, louange à Allah سبحانه وتعالى qui nous a honoré avec cette noble religion. Il nous a comblé d'être sur sa voie droite. Il nous a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme enseignant qui oriente vers la voie droite. Après cette immense grâce du souverain du monde subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'inviter les gens à cette religion. La da'wa à la religion d'Allah est la plus pure des œuvres et la plus méritoire des fonctions, car c'est la fonction des prophètes et des messagers alayhi salatu wassalam. Les récompenses qu'obtient celui qui appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala sont immenses. Si sa da'wa est accomplie avec sincérité et dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, dont beaucoup de hadiths, et notamment celui que nous avons en face de nous, rapporté par l'imam Muslim, il a dit alayhi salatu wassalam: quiconque appelle vers une bonne voie, il aura la même récompense de ceux qui le suivent, sans rien diminuer de leur récompense. ولما كان التوحيد أعظم الأمور وأهمها في الدعوة إلى الله لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، فإن الرجل إذا علم وجب عليه العمل، فإذا علم وعمل وجبت عليه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون من ورثة الأنبياء وعلى طريقهم وطريق أتباعهم. قال الحسن البصري رحمه الله لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، رحمه الله تعالى وغفر له. Vu que le tawhid et la da'wa vers le tawhid ont cette immense importance, il ne convient pas, prions Allah subhanahu wa ta'ala, au monothéiste de se limiter à lui-même, car l'être humain, quand il a appris, met en application ce qu'il a appris, il doit inviter les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils soient du nombre des héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam, et pour qu'ils soient sur leur voie et la voie de ceux qui les ont suivis à la perfection. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, quand il a récité ce verset dans la traduction approximative, nous dit cela: qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, accomplit des œuvres pieuses et dit: je suis de ceux qui se soumettent à Allah. Il a dit rahimahullah: celui-là c'est l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là c'est l'allié d'Allah, celui-là c'est l'élite parmi les élites d'Allah, celui-là c'est le meilleur auprès d'Allah, celui-là c'est le plus aimé d'Allah parmi les gens de la terre. Il a répondu à l'appel d'Allah et a invité les gens à cela et œuvre vertueusement dans cela. Fin des paroles de Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. فالدعوه الى الله هي الدعوه الى توحيده سبحانه وتعالى والى الايمان به وبما جاءت به رسله، وذلك يتضمن الدعوه الى اركان الاسلام واصول الايمان والاحسان والامر بما امر به سبحانه وتعالى والنهي عما نهى عنه، ولا تتم الا بذلك. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد، أول ما يبدأ به الدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى الشهادة، كما كان شأن المرسلين وأتباعهم، وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره. Il est dit dans le verset, la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la da'wa du tawhid. Et la da'wa à la croyance, on transmet les messages alayhi salatu salam. Et cela englobe la da'wa vers les piliers de l'islam, vers les fondements de la foi, vers la bienfaisance. Et il englobe les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnés. Et il englobe ce qu'il a interdit, la da'wa vers ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala. Et la da'wa n'est complète qu'avec tout cela. Mais la première des choses par laquelle il faut commencer, c'est la da'wa au tawhid. La da'wa pour que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est la signification de l'attestation de foi. Comme l'ont fait les messagers alayhi salatu salam et ceux qui les ont suivis à la perfection. Et chaque individu de la communauté doit accomplir ce qu'il peut. Si autrui ne l'ont pas accompli. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أي هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده طريقتي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له لا إلى حظ ولا إلى رئاسة ولا إلى طريقة ولا إلى حزب بل إلى الله على بصيرة أي على علم علم ويقين وبرهان أعلم بما أدعو إليه أنا ومن اتبعني أي ويدعو إليه بعلم وعلى بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. والبصيرة العلم الذي يميز به الحق من الباطل والشر من الخير والتوحيد من الكفر ها وهكذا. وسبحان الله أي أنزه الله وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في ملكه أو نظير أو ند تقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وما أنا من المشركين في الاعتقاد في العمل في المسكن لست منهم ولا هم مني بأي نسبة كانوا بحيث لا يعد منهم بوجه من الوجوه. إن نظر في الاجتماعات فليس منهم وإن جلسوا في المجالس فليس منهم وإن خرجوا إلى المحافل فليس منهم فليس منهم في أي حال من الأحوال. وفي هذا وجب الهجرة وهو معلوم وهي معلومة بالكتاب والسنة وواجبة بالكتاب والسنة والإجماع. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala fait ses ordres dans son prophète alayhi salatu salam, la traduction approximative nous dit cela. Dis à Muhammad, voici ma voix, j'appelle les hommes à Allah avec discernement, c'est-à-dire avec science. Moi et ceux qui me suivent, gloire et pureté à Allah, qui n'a aucun associé, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Ce qui signifie que cette da'wa que je fais et cette voie sur laquelle je suis, c'est la da'wa du tawhid. La da'wa pour que le culte soit accompli exclusivement pour Allah et dans la sincérité pour Allah. Ma voix, ni ma da'wa, ni pour ma personne, ni pour être leader, ni pour une voie, ni pour une secte, ni pour une tariqa, ni pour un parti. Il est uniquement à Allah, avec science, avec certitude, avec des preuves, moi et ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent sont sur la voie de la da'wa avec science, avec discernement, avec cette science qui leur permet de distinguer entre le vrai et le faux, entre l'innovation et la sunna, entre l'unicité et le polythéisme, et ainsi de suite. Hein? Gloire et pureté à Allah, je vénère Allah comme il sied à sa majesté, et je l'exemple de tout associé ou de similaire. Allah est au-dessus de tout ça, et je ne suis pas du nombre des polythéistes, ni dans les croyances, ni dans les œuvres, ni dans la demeure. Je ne fais pas partie d'eux, ils font pas partie de moi, je le dis à vous, et ils ne se comptent pas des leurs. Quand ils voient leur réunion, il n'est pas avec eux. Quand ils sont dans des assises, il n'est pas avec eux, il est loin d'eux. S'ils sortent vers des rassemblements, il n'est pas avec eux non plus. Dans n'importe quelle situation, il n'est pas avec eux. Et cela veut dire aussi que la hijra est obligatoire. Il est obligatoire par le livre et par le sunna et par le consensus et l'unanimité. فالنصوص أخ الإسلام في الدعوة إلى الله كثيرة كقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهي واجبة على من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله كما دعا إليه لكن لا بد من العلم فالجهل يضر والذي ينفع أن تبنى هذه الدعوة على علم. ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام وذلك بحسب المدعو فإنه إن كان طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة وتقدم له الأدلة ولا يحتاج إلى موعظة ولا إلى جدال وأما إن كان مشتغلا بضد الحق لكنه لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن ويكون بالرد على باطله وتكبيته أما العقوبة فهذه لولي الأمر لا بد في الدعوة إلى الله من شرطين أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وأن تكون على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه فإن أخل بالأول كان مشركا وإن أخل بالثاني كان مبتدعا فلا بد فإن الله سبحانه وتعالى les textes concernant la da'wa sont nombreux comme la traduction du verset qui nous dit avec sagesse la da'wa doit se faire avec sagesse et bonne exhortation appelle les hommes à la voix de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons Et dans l'autre traduction de l'autre verset, qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah? La da'wa est obligatoire pour ceux qui suivent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils doivent inviter les gens à la religion d'Allah, comme il l'a fait alayhi salatu wassalam. Mais si da'wa doit être basée sur la science, l'ignorance ne ramène que des catastrophes. Et l'ignorant ne fera que des dégâts. Donc la da'wa doit être basée sur la science, comme il est dit dans le verset, ala basiratin ay bi ilmin. Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité les trois situations de la da'wa, selon la situation de celui qu'on invite à Allah subhanahu wa ta'ala. Car, premièrement, soit la personne aime et cherche la vérité, il la préfère à toute autre chose quand il la connaît. Celui-là, on l'invite avec sagesse, on lui présente les preuves. Il n'a pas besoin d'exhortation. Il n'a pas besoin de débattre avec lui. Soit, la deuxième situation, soit la personne, il est occupé par l'opposé de la vérité. Mais dès qu'il connaît la vérité, Il la suit, il s'y soumet. Celui-là a besoin d'exhortation avec des textes qui attirent vers la vérité et avec des textes qui font peur et qui excitent l'envie de prendre la vérité, et qui font peur de l'opposé de la vérité. Soit le troisième cas, c'est un opposant obstiné. Celui-là, il a besoin de débattre avec lui de la meilleure des façons. Et s'il ne revient pas, il faut la réfutation et la réplique. Et la réplique au faux sur lequel il s'obstine. Et s'il y a besoin, la punition de l'autorité. La punition, ce n'est pas à quelqu'un. C'est à l'autorité de faire la punition. Mais en tant qu'individu, quand tu débats avec lui, tu ramènes des preuves et tu réfutes de la meilleure des façons et avec preuve le faux qu'il est en train d'avancer. Ça, c'est ton devoir. Et après, c'est le gouverneur, c'est à lui de s'occuper de le châtier s'il faut, le châtiment, et s'il perturbe la communauté. La da'wa aussi a besoin de deux conditions. Comme toute œuvre, il doit être accompli sincèrement pour Allah et conformément à la voie du messager alayhi salatu wassalam. Le da'i doit connaître et maîtriser le sujet de sa da'wa. S'il a des lacunes dans la première condition qu'il est sincérité, il tombera dans le polythéisme. Soit mineur, soit majeur. Et s'il a des lacunes dans la deuxième condition qui est le suivi du messager alayhi salatu wassalam, il sera un innovateur. Il va propager des innovations. Il va appeler vers des choses que son prophète n'a pas fait. Et la da'wa, khlas, il est décrété. Ses moyens et tout. Il n'y a plus à innover des moyens. Les moyens de la da'wa sont dans la voie du prophète alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Ce qu'on entend maintenant, ils disent, on peut faire da'wa avec l'anachid, c'est faux. Avec la mode, c'est faux. Avec le cinéma, c'est faux. Avec des pièces de théâtre, c'est faux. Et qu'est-ce qu'il en est quand les personnes se mettent à jouer le rôle d'Al-Shaytan et à débiter de la mécréance pour faire da'wa? La da'wa, il est décrété, c'est une adoration, khlas, c'est terminé. Ces règles, et ces piliers sont définis, les moyens et le contenu, khlas, il est défini par Allah et par son messager, alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie claire. Celui qui divise de cette voie, que ce soit au niveau de la da'wa, ou au niveau de ses positions avec les gouverneurs, ou au niveau de ses positions avec les autres, il a pris un autre chemin que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est en train de s'égarer. Il doit faire très attention à cela. قال الشيخ محمد سليمان التميمي المجدد رحمه الله فيه أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم وفيه التنبيع على الإخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه وأن البصيرة من الفرائض أي العلم من فرائض الدعوة وأن من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة وأن من دلائل قبح الشرك كونه مسبة لله وفيه إبعاد المسلم عن المشركين ألا يصير منهم ولو لم يشرك. الإمام غوفيكاتور محمد بن سليمان التميمي رحمه الله concernant ce verset dans sourate Yusuf, il dit que la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie de ceux qui suivent le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, cela doit attirer l'attention que la da'wa doit être accomplie dans la sincérité. Et il a dit, car beaucoup, même en invitant à la vérité, ils invitent vers leur personne. Et il a dit, rahimahullah, le discernement, c'est-à-dire la science, est obligatoire dans la da'wa. Et il a dit, parmi les preuves du bon tawhid, parmi les preuves éclatantes du bon tawhid, c'est d'exempter Allah de l'insulte. Et parmi les atrocités du shirk, c'est une insulte à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'imam Ahmad rahimahullah, quand il passe dans une ruelle et qu'il rencontre un des hommes du livre, ben il baissait le regard. Il ne regardait pas. Et on lui a posé la question pourquoi. Il a dit, je ne veux pas que mon regard s'oppose sur quelqu'un dont le cœur est plein d'insultes pour Allah. Radiallahu anhu wa rahimahullah. Le verset implique que le soumis à Allah subhanahu wa ta'ala doit s'éloigner des polythéistes pour ne pas être des leurs, même s'ils ne commettent pas le polythéisme. Fin des paroles de Cheikh l'Islam Muhammad Tamimi rahimahullah. Wa fil hadith عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني بذلك اليهود والنصارى فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فلا واجب على المكلفين أعظم من التوحيد علما وعملا ومن أدلة هذا النص وغيره فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مع قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني أنهم أهل علوم وكتب وحجج ومع ذلك أمرهم أن يدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة لكونهم محتاجين أن يبين لهم ذلك فإن منهم من يجهله أو يعلمه ولكن الشهوة تمنعه من ذلك وحب المال والجاه والرئاسة والعياذ بالله وفيه أنه لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذن الحديث دعو الله بن عباس كالله سبحانه وتعالى لزاقري التوس lorsque le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a envoyé معاذ من جبل اليمن. Il lui a dit, tu vas rencontrer un peuple parmi les gens du livre, je veux dire par là, les juifs et les chrétiens, que la première des choses à laquelle tu les appelles soit l'attestation que nul n'est digne d'être adoré qu'Allah. En Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas pour les pubères une obligation plus importante que le tawhid. Au niveau du savoir et au niveau des actes. Et parmi les preuves de cela, ce hadith que nous avons en face de nous. Hein? Regarde, qu'est-ce qu'il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Mu'ad, que la première des choses à laquelle tu les appelles soit l'attestation connue ni digne d'être adoré qu'Allah. Dans une autre version, qu'il réserve le culte suivant Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant, il lui a clarifié que ce sont des gens du livre. Il lui a clarifié leur situation. Ce sont des gens du livre, ça veut dire, hein, ils ont du savoir, ils ont les livres avec eux, ils ont des preuves. Et avec tout cela, il lui a ordonné de les inviter à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ont besoin de cela. Ils ont besoin que le monothéisme leur soit clarifié, car il y a parmi eux ceux qui l'ignorent, ou qui le connaissent, mais les tentations les en ont empêchés, hein, les ont empêchés de le pratiquer, ou alors l'amour hein, du commandement et de la fortune les a détournés de tout cela. Du fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Le hadith signifie qu'on n'atteste pas un individu qu'il est musulman s'il n'a pas prononcé l'attestation. Ça, c'est la voix des gens de la sunna. Il faut qu'il la prononce. S'il a la capacité de la prononcer et il ne la prononce pas, on ne peut pas attester de sa soumission et de son islam. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد علم بالاضطرار من دين الرسول، واتفقت الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما، وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه dit il est dit terminé dans la religion du messager et c'est un sujet qui a reçu l'unanimité de la communauté que le fondement de l'islam et la première obligation de l'islam pour les créatures, c'est d'attester que nul n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. C'est ainsi que le mécréant devient musulman. Ici, il a la capacité de la prononcer et il ne la prononce pas, c'est un mécréant à l'unanimité des musulmans. وقال الشيخ محمد بن سليمان رحمه الله وفيه أن التوحيد في هذا الحديث أن التوحيد واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك، وفي أن الإنسان قد يكون من أهل العلم ولا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، والتنبيه على التعليم بالتدرج والبداءة بالأهم فالأهم. Et le revivificateur, rahimahullah ta'ala, a dit, on retient de ce hadith aussi le hadith de Mu'adh, que le monothéisme est la première des obligations. Le prophète, alayhi sallam, 13 ans, les a passés à inviter les gens vers le monothéisme. Et il ne leur a rien interdit. Et à part l'opposé du monothéisme. Et pendant 10 ans, il les a appelés à réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'éloigner de l'opposé du monothéisme qui est l'associationnisme. On retient aussi de ce hadith, hadith de Mu'ad, que l'être humain peut être parmi les gens du savoir, peut même être un savant. Mais il ne connaît pas la réalité de l'attestation. Ou alors il la connaît, il ne la met pas en application. Et on retient aussi que l'enseignement se fait étape par étape. Hein? Et on doit commencer par le plus important, puis le faire suivre de l'important. Et le plus important dans cette religion, c'est le monothéisme. C'est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله، فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. وتنى بالأعمال بعد التوحيد لأنها لا تصح إلا لا تصح بدونه، فهو شرط لصحة جميع الأعمال، وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين، وأن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، فإن حصل وأتى بالشهادة دعي إلى الصلاة، وإلا لم يدعى إليها فإن الصلاة وغيرها من سائر الأعمال لا تصح بدونه، أي بدون الشهادة. Le message صلى الله عليه وسلم dans le hadith de Mu'ad lui a dit s'ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire s'ils t'obéissent, ils se soumettent au monothéisme, qu'ils reconnaissent qu'ils n'est digne d'être adoré qu'Allah, ils se soumettent à cela et me croient en tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, parce que l'attestation il contient le fait, sa signification c'est de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de rejeter tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'ils reconnaissent cela, ils se soumettent à cela, Fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit 5 prières par jour et par nuit. S'ils t'obéissent en cela, fais-leur savoir qu'Allah leur a prescrit une aumône qui doit être prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres. S'ils t'obéissent en cela, fais attention au meilleur de leurs biens et crains l'invocation de celui qui a subi une injustice, car il n'y a pas de voile entre son dua et Allah subhanahu wa ta'ala. On remarque dans ce hadith que le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a cité les œuvres qu'après le monothéisme, car aucune œuvre ne sera valide que s'il est basé sur le monothéisme. C'est une des conditions pour la validité des œuvres. Ce hadith nous apprend aussi que la prière est le premier acte obligatoire dans l'islam après l'attestation de foi. Il nous apprend aussi qu'on ne doit pas demander à la personne d'accomplir les obligations qu'après qu'il rentre dans l'islam, qu'après qu'il est attesté qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et qu'il rejette tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il la prononce, on l'invite à la prière, car la prière et les autres œuvres ne seront valides et acceptées qu'avec l'attestation. ثم حذر صلى الله عليه وسلم من أخذ كرائم الأموال فيحرم على جاب الزكاة. هذا الذي يوكله ولي الأمر كي يأخذ الزكاة من الناس يحرم عليه أن يأخذ كرائم أموال الناس، ها؟ كما يحرم على صاحب المال إخراج الرديء من ماله، بل الوسط، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، فإن تابت نفسه بكريم ماله جاز ذلك. وحذر صلى الله عليه وسلم من الظلم، فقال لو اتق دعوة المظلوم. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المضطر والمظلوم لا ترد ولا تحجب عن الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر هنا من أن يأخذ، هذا الذي يأتي لأخذ الزكاة، فإذا كان سيأخذ من الماشية فلا يأخذ أحسن ما عند الإنسان من الماشية، بل يترك صاحب الماشية أن يدفع له ما طابت به نفسه من أوسط ما عنده من الماشية. كذلك في تمار ما يعطي الرديء، بل يعطي من أوسط ما عنده، والجابي هذا الذي يجمع الزكاة يقبل منه. قال le messager sallallahu alayhi wa sallam a averti ensuite contre le fait de prendre le meilleur bien du meilleur des biens des personnes, c'est-à-dire à qui il a donné cet ordre? À celui qui prend la zakat, celui que le gouverneur désigne pour prendre la zakat. Quand il vient, c'est des gens qui ont des troupeaux et qui ont le quota pour sortir la zakat. Il ne va pas venir prendre le pilier de la troupe. Ça, c'est le meilleur chez l'éleveur. Mais il doit prendre ce qui est moyen, c'est-à-dire la personne ne doit pas donner ce qui est mauvais pour lui pour s'en débarrasser. Et celui qui prend ne doit pas exiger la meilleure et lui prendre la meilleure. Abadan. Mais la personne doit aussi donner celle du milieu. Ni celle qui est très chère, ni la mauvaise, mais entre les deux. Et cette façon de donner zakat, la personne va le faire par apaisement. Il sera apaisé avec une bonne intention parce qu'on lui a laissé le meilleur de sa fortune. On n'est pas venu lui imposer quelque chose et lui prendre le meilleur de sa fortune. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a averti aussi. Il lui a dit, fais attention au dua de celui sur lequel on commet une injustice. Pourquoi? Parce que l'injustice, c'est des ténèbres le jour de la résurrection. Et le dua de la personne sur laquelle on a commis un préjudice et une injustice, entre son dua et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de voile. Tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce. Subhanahu wa ta'ala. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, qui tient de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah et accomplit des œuvres pieuses, il dit je suis de ceux qui se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. J'a fi le hadith an Sahl ibn Sa'id رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث متفق عليه. في هذا الحديث العظيم أمر صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه قبل أن يفتح خيبر أن يدعو أهلها إلى الإسلام، وأصل الإسلام هو التوحيد. وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول في الإسلام. ثم أمره صلى الله عليه وسلم إنهم أجابوا إلى الإسلام أن يخبرهم بما يجب من شرائعه التي لا بد من فعلها كالصلاة والزكاة وغير ذلك. فهنا الله سبحانه وتعالى dans le hadith cité ici dans ce chapitre Sahl ibn Sa'id, le hadith de Sahl ibn Sa'id dit que le messager صلى الله عليه وسلم le jour de Khaybar a dit: Je vais certes donner l'étendard demain à un homme, l'étendard qui le prend, le commandant de la troupe. Je vais donner l'étendard demain à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment, par le biais duquel Allah accordera la victoire. Les gens ont passé la nuit à discuter au sujet de celui qui recevra l'étendard. Au point que Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a dit: je n'ai pas espéré l'imara que cette nuit-là, être l'émir d'une troupe que cette nuit-là. Parce qu'il en va d'un galant qui n'a pas d'égal. La personne, il lui a attesté par le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'il aime Allah et qu'il aime le messager. Et que Allah l'aime et que le messager l'aime. D'où toute la nuit j'étais occupé. Au point qu'Omar ibn Khattab l'a dit: jamais le fait d'être devant de la scène et d'être émir n'a effleuré mon esprit que cette nuit-là. Hein? Donc les gens passèrent la nuit à discuter au sujet de celui qui recevra l'étendard, et lorsqu'ils furent au matin, ils se rendèrent tous chez le messager alayhi salam. Chacun d'eux espérait que l'étendard lui sera remis. Le messager d'Allah a dit alors: où est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu majma'in? Il a été dit au prophète alayhi salatu wasalam: il se plaint de ses yeux. Le prophète alayhi salatu wasalam a envoyé quelqu'un le chercher, et on l'a ramené au prophète alayhi salatu wasalam. Le messager alayhi salatu wasalam crachota sur ses yeux et invoqua Allah pour lui, et il fut guéri sur place comme s'il n'avait pas souffert de douleur au niveau de ses yeux. Le messager lui dit alors, lui donna l'étendard et lui dit: avance avec prudence jusqu'à ce que tu arrives à leur position, puis appelle-les à l'islam et informe-les au sujet de ce qui leur est obligatoire quant au droit d'Allah. Par Allah, si Allah guide un seul homme par ton intermédiaire, cela est meilleur pour toi que les chameaux roux. Hein? Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Dans ce hadith, le messager d'Allah a ordonné à Ali, avant la conquête de Khaybar, d'inviter les gens à l'islam. Et la fondation principale de l'islam, c'est le tawhid. Et c'est ce qui incombe aux musulmans, partout où ils sont, il y en a n'importe là où ils sont, il y en a n'importe quelle époque, dans leur combat, le but, dans le combat sur le sentier de Allah, subhanahu wa ta'ala, leur but doit être de guider des gens vers l'islam. Sortir les gens des ténèbres de l'associationnisme vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Ali, a dit à Ali de leur citer ce qui est obligatoire. S'ils obéissent et ils attestent qu'ils n'ont dignes d'être adorés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils leur annoncent les obligations de la législation musulmane, à savoir la prière, la zakat et ainsi de suite. فالحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم فلنحرص على هداية الناس ودعوة الناس ولنحرص على تصحيح معتقدات الناس وتحقيق التوحيد ها ولنحرص على دخول المشرك إلى هذا الدين لماذا؟ لإنقاذهم من النار في الآخرة ولإنقاذهم من الشقاء والضياع والضلال في الدنيا ولنا بهذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى فقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا في الدعوة إلى الله فقال والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي هداية رجل واحد على يديك خير لك من الإبل الحمر وهذه الإبل كانت أنفس أموال العرب في ذلك الوقت وهذا فتل فقط مثل للتقريب لتقريب الأمور إلى الأذهان وإلا فنعيم الآخرة لا يماثله شيء من نعم الدنيا أبدا خير الله سبحانه وتعالى il faut être conscient de notre situation. Allah سبحانه وتعالى nous a comblé par cette noble religion il faut qu'on invite les mécréants, les associateurs à entrer dans l'islam pour les sauver du feu de l'enfer dans le delà et pour les sauver de l'errance et du malheur dans ce bas monde. Et il faut inviter les égarés de la communauté à purifier leur religion du polythéisme et des innovations. Nous avons pour cela d'énormes récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah remarque comment il a fait le serment pour inciter à la da'wah vers Allah. Il dit, par Allah, si Allah guide un seul homme par ton biais, cela est meilleur pour toi que les chamourous. Et les chamourous de cette époque, c'était la plus précieuse fortune des Arabes à cette époque. Et là, ce n'est qu'un exemple pour clarifier la situation, pour que les gens comprennent. Mais les délices de l'au-delà n'ont pas d'égal par rapport à ceux de ce bas monde. Rien. Il n'y a aucune comparaison. C'est certaines choses qui sont citées par les mêmes noms que nous avons, comme les grenades. Les grenades de l'au-delà sont différentes, comme il a dit Ibn Abbas, ou les raisins ou autres. ومن أساليب الدعوة إلى الله بيان ما أمرنا الله به من إفراده بالعبادة وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة على الفقير وغير ذلك مما يوافق الفطرة والعقل السليم وكذا بيان ما نهانا الله عنه من اتخاذ شريك له في العبادة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والظلم وغير ذلك مما تأباه الفطرة والعقل السليم فمن أراد الله هدايته شرح الله صدره للإسلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فمن الله سبحانه وتعالى La méthodologie de la da'wa, c'est de clarifier les obligations qu'Allah nous a prescrites, en commençant par la clarification que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, en suivant de la bonté envers les parents et l'entretien des liens de sang, le fait de donner l'aumône aux nécessiteux et autres actes qui sont conformes à la nature saine et à la raison saine, c'est aussi que là, puisque qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, et à la tête de, des interdictions, le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est rejeté par la saine nature et la raison saine, et la guider est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam, et celui à qui Allah ne donne pas de lumière, il ne sera jamais éclairé. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف فيأمر به ويعرف المنكر فينكره والرفق عند الأمر ليسلك أقرب الطرق إلى تحصيل المقصود والحلم بعد الأمر ليصبر على أذى المأمور على أذى المأمور ليصبر على أذى المأمور فالله الموفق Subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, nous clarifie la situation, comment nous devons être dans la da'wa. Il a dit, il incombe à celui qui ordonne le bien, et blâme le mal, d'avoir la compréhension de ce qu'il ordonne, et d'avoir la science de ce qu'il ordonne, et ce qu'il interdit, et d'être doux quand il ordonne, et quand il interdit, et d'être patient et tolérant dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Donc, la science et la compréhension doivent devancer l'ordre pour qu'il sache ce qu'il va ordonner et ce qu'il va interdire. Et l'ordre doit être accompagné de douceur et de doigté pour prendre la voie qui mène vers le but recherché. Et il doit endurer et patienter et être tolérant envers celui qui, à qui il s'adresse. Fin de citation des paroles de Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahmatullah alayhi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite. Il faut, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, que vous vous rendiez compte d'une situation très importante dans laquelle vous êtes ici, dans ce pays, hein, et dans cette région. Le bienfait dans lequel, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé. Et ce bienfait et cette grâce, il est évident qu'il y a des devoirs duquel nous devons nous acquitter vis-à-vis de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cette grâce ne doit pas se limiter à nous, tout simplement. Il faut que ça nous dépasse. Il faut que nous accomplissions notre devoir vis-à-vis de cette grâce. Et la chose la plus importante, il faut que cette ce bienfait dans lequel vous êtes, vous le fassiez hériter aux enfants qui sont entre dans vos mains et de, sous votre responsabilité. Les personnes âgées, on parle de la meilleure des façons, on essaye, mais on ne perd pas notre énergie. Notre énergie, nous devons la concentrer sur la jeunesse. Notre énergie, nous devons la concentrer sur ces enfants de 17 ans, de 10 ans, de 7 ans, de 11 ans, de 13 ans, pour les éduquer sur une aqida authentique, pour les éduquer sur la ilaha illallah, et les conditions de la ilaha illallah, et les obligations de la ilaha illallah, pour faire une génération, hein, pour préparer une génération qui va porter l'étendard de la da'wah du messager alayhi salatu wassalam. Et là, il faut se rendre à l'évidence que ceci est une responsabilité pour s'acquitter de ce devoir, de notre devoir vis-à-vis de ce grand bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Et il faut retrousser ses manches. Cela implique de nous et de vous beaucoup d'efforts à maîtriser la langue du Coran, à maîtriser la langue de la Sunna, pour pouvoir avoir le bagage nécessaire pour former ses enfants et pour former cette jeunesse. Sinon, on va passer à côté d'un grand bienfait Et on le regrettera devant Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous posera des comptes. Il nous posera, il n'y a aucun doute qu'il nous posera des comptes. Chaque bienfait avec lequel il nous a comblés, il faut s'attendre à répondre à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il a été utilisé dans le bien ou là il n'a pas été utilisé? Il a été utilisé comme il se doit ou là il n'a pas été utilisé? Il faut qu'on soit conscient de cela. Mais il faut aussi, ceci ce n'est pas pour décourager, c'est pour motiver notre ambition. Parce que cela, tu imagines la récompense avec laquelle tu vas te retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu éduques même deux petits jeunes. Et eux, ils prennent la relève après toi. Et ils enseignent ce que tu leur as appris. Et ainsi de suite. Tu imagines, tu dors dans ta tombe. Et tout d'un coup, tu vois des œuvres. Tu ne sais même pas. Ton compteur de hasanat ne cesse de tourner. Pour le bien que tu as prodigué. Donc il faut réfléchir. Il faut que notre pensée soit plus loin que le bout de notre nez. Et il faut que nous sachions mettre les intérêts primordiaux au-dessus de nos intérêts personnels. Et les intérêts de cette da'wa au-dessus de nos intérêts personnels. Parce que c'est là où il y a notre félicité. Que ce soit dans ce bas monde et dans le delà. Parce qu'Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'il husna wa sifatil ula, an yaj'alna wa iyyakum من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا